après l'iqama de salah, après tawhid, iqama de salah. Ensuite, c'était que le plus important des piliers après tawhid, après l'accomplissement de la prière, c'est la zakat. C'est ça l'ordre en fait des trois premiers points qu'on a rapportés. Quatrième point, on avait dit sans céder des notes en premier. Si on bloque en français des notes, mais d'abord sans. Hein? Essayez de vous rappeler, essayez. Qu'on peut donner la zakat qu'à une seule des huit sortes de personnes à qui on doit donner la zakat. Hein? On ne doit pas donner la meilleure des choses. Qu'on peut, hein? Le non, mais bien sûr, mais qu'on peut, hein, qu'on peut donner de manière, j'utilise un personnel, hein. C'est pas nous. Hein. Que c'est l'imam, le gouverneur qui s'occupe de, ou quelqu'un qui le délègue, c'est-à-dire un délégué, l'amil alayha, comme on dit, c'est-à-dire celui qui est un délégué qui est envoyé par le hakim pour récolter la zakat. D'accord? Est-ce que ce percepteur-là, il peut prendre n'importe quel argent, le meilleur de l'argent des gens, le meilleur des biens des gens? Kalaim la moine, non, parce que justement, en fait, on l'a interdit ici dans ce hadith-là. D'accord ? Non. Quelque chose d'autre qu'on peut rapporter avant de conclure, Inch'Allah ? Khabar Ahad, très important. C'est vraiment une règle très importante chez Al-Sunnah Jama'a. Dans ce hadith-là, il y a une preuve évidente que les Moutadari ne veulent ou ne veulent pas. Que chez les gens de la Sunnah, le Khabar Ahad, les paroles rapportées, les informations rapportées par un seul rapporteur sont une preuve dans la croyance. Ce qui touche la croyance et tout ce qui touche le domaine des actes. En ce sens que les actes rentrent dans l'iman, attention. Hein. Mais ici, on fait parce qu'eux, ils font la distinction justement. Ils disent qu'on prend Khabar Ahad que dans l'Ahkam, etc., que dans As-Salah ou Al-Zakah, etc. Et on ne prend pas dans l'Aqidah parce que ça ne donne pas. L'ilm, ça donne Al-Dhan. Allah al-Musta'an. Et qu'est-ce qu'on fait de ce hadith-là? Le prophète a envoyé Mu'ad au Yémen et lui a dit Fayakun awwalu ma tad'um ilayhi shahadat an la ilaha illallah. C'est la croyance. Hein. Il a Ayyuwahidullah. La croyance à Subhanallah. D'accord ? Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il s'est attaché à réfuter un par un et à montrer leurs contradictions. Dans des cassettes, dans S'il se redonne au nom, et ça a été même imprimé, il a écrit quelque chose, c'est imprimé, Inch'Allah, sur l'obligation de prendre Khabar al-Ahad. Très intéressant, et c'est important dans les. Et Cheikh Falah Ismail, quand il est venu ici, et qu'il avait fait au sous de l'imam Ahmed, il avait rapporté ça. Hein? D'accord, justement, parce que les Moutadi'ad de Choubouad Aqli, des philosophies, leur ont un peu tourné le cerveau et ils mettent l'aql dans des choses où il ne faut pas mettre l'aql. Nous, Khabar al-Ahad, on prend et khalas. C'est ça notre ménage à nous. D'accord, on en a fini, Inch'Allah, avec le premier hadith. On a un petit peu de temps, Inch'Allah, on peut peut-être recommencer dans le deuxième hadith. Donc, le hadith le Thani, Fadlu Aqidati Tawhid. Titre, le mérite de la croyance du tawhid, ou au tawhid, l'unicité, tawhid, unicité. Donc, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدا عبد ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها. والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Donc ici, d'après une narration rapportée de Ubadة ibn al-Samit, رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui atteste qu'il y a des divinités adorées avec vérité qu'Allah seul, sans rien lui associer, et que Muhammad صلى الله عليه وسلم est son serviteur et son messager, et que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son envoyé, et sa parole adressée à Maryam et un esprit venant de lui. Après, je vous rapporte une petite faïda que Cheikh Al-Uthaymeen rapporte dans Kitab al-Tawhid sur le Mourouh. On va traduire ça comme ça d'abord. Un esprit venant de lui, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, mais celui qui atteste cela, tout cela, là, Allah le fera rentrer au paradis, quoi qu'il ait fait comme action. On va voir quelle est l'explication de ce hadith-là. Donc le hadith, d'abord le takhrij, comme on a dit, « Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad ». Le Bukhari dans son sahih, Muslim dans son sahih, et Ahmad dans son musnad. Donc, Bukhari, fi kitab al-Anbiya, le chapitre des prophètes, Muslim dans kitab al-Iman, encore une fois, comme le premier hadith qu'on a vu, kitab al-Iman, Et Ahmed, dans son Mousnad, ici, volume 5, 314, je pense que c'est la page 314, Cheikh ne donne pas l'édition, donc il faut faire attention, peut-être que dans d'autres éditions de Moussa l'Imam Ahmed, vous allez, peut-être à mon avis, il fait sûrement référence à celle qui était corrigée par Ahmed Shakir, rahmatullah alayhi, en 20 volumes. Donc ici, il nous dit, donc Al-Bukhari, Muslim ou Ahmed. Ensuite, Rawi al-Hadith, qui est le rapporteur du Hadith, c'est Ubad ibn Samit al-Ansari. D'accord, le premier c'était Abdul Abbas qui est de l'Hashimi. Ici, on a Ubad ibn Samit al-Ansari. كان ممن شهد بيعتي العقبة الأولى والثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه سائر الغزوات وكان معلما للقرآن في المدينة ثم في الشام توفي في بيت المقدس سنة 32 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. Donc ici, Cheikh nous dit, عبادة بن الصامت الأنصاري. Il fait partie de ceux qui ont assisté au premier et second serment de l'Aqaba. Donc il a serment, enfin, pas serment, serment de l'Aqaba. Il a assisté au premier ou au deuxième, grande importance de ce sahabi, avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a assisté à toutes les expéditions avec lui. Toutes les expéditions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait le Coran à Médine. Encore une fadila, enseigner le Coran. Hein? Vous connaissez le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran, c'est celui qui l'enseigne. Donc, il enseigne le Coran à Médine et puis au Cham, dans la région du Cham. Il mourut à l'âge de, à Jérusalem, à Al-Quds, en l'an 32 de l'Hégire. Radiallahu anhu wa arbah. Donc, Cheikh ici, ensuite, sur la méthode, dit tafsiru al-mufradat al-lughawiyya. Il fait une explication des jargons dans le vocabulaire, hein, des vocabulaires qui est utilisé dans le hadith. Il dit shahida an la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Takallama biha bi lisanihi wa a'taqada ma tadullu alayhi bi qalbihi wa 'amila bima taqtadihi bi jawarihi. Ici il dit le fait d'attester que la ilaha illallah, c'est le fait d'attester qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, c'est-à-dire qu'il atteste avec sa langue, croit avec son cœur en ce qu'elle veut dire et met en pratique avec ses membres ce qu'elle implique. Hein? Et ça, c'est une réfutation évidemment de Murji'a. Il ne faut pas rentrer les actions dans la foi. Hein? Donc, ça implique une action, subhanallah, une mise en pratique avec ses membres. D'accord? Wahdahu ay wahidan fardan. C'est-à-dire, seul, c'est-à-dire un unique. Isa, alayhi salam, c'est le fils de Maryam, alayhi salam, là, ce qu'on traduit par ici, Ibn Maryam, al-Adra, c'est-à-dire la Vierge. Hein? Sa parole, c'est-à-dire qu'il l'a créé avec sa parole, c'est-à-dire Kalimatuhu, ay, khalaqahu bi qawlihi kun, fa kana Isa bi qudratihi wa hikmatihi wa sumya kalimah di wujudihi bi qawli ta'ala kun. Donc ici, Cheikh dit, sa parole, c'est-à-dire qu'il l'a créé avec sa parole, soit, kun. Et Isa fut. Par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fut nommé donc kalimatuhu, une parole, sa parole, car fut à l'origine de son existence la parole du Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, soit, kun. D'accord? Ensuite, il dit, ruhum minh, ay, Isa, ruhum min l'arwah, allati khalaqaha Allah wa awjadaha. Donc, Cheikh ici dit un esprit venant de lui. C'est-à-dire que Isa, Jésus, est un esprit parmi les esprits qu'Allah a créé et a fait exister. Ici, Cheikh Al-Faymin, une petite faïda en plus ici, Cheikh Al-Faymin dans Sahih Kitab Tawhid, Al-Qol Mufid, premier volume. Le hadith est dans Sahih Kitab Tawhid également, dans Kitab Tawhid. Donc, si vous voulez revenir à l'explication, vous avez Cheikh Al-Fawzan, vous avez Abdelali Cheikh dans Fatah Hamoud al-Tirvi, vous avez Cheikh Al-Faymin, Cheikh Al-Najmi, vous avez. Dans Kitab Tawhid, il y en a beaucoup, beaucoup. Cheikh Salih Ali Cheikh, j'en oublie beaucoup. Hein? De Kitab Tawhid, si vous voulez revenir à une explication, vous avez une source, hein? assez nombreuses pour revenir sur l'expression du hadith. Mais Cheikh Al-Uthaymin, dans son Kitab Tawhid, rapporte un point important. Il dit, comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin dans son explication de ce hadith dans Kitab Tawhid, le livre de l'unicité, ce n'est pas qu'un esprit, c'est un corps doté d'un esprit. Hein? C'est important de comprendre ça. Et ça, c'était un corps doté d'un esprit. D'accord? الجنة والنار حق أي أنهما ثابتتان حقيقة لا شك فيهما. C'est-à-dire que le paradis et l'enfer sont une vérité. Celui qui atteste cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils existent réellement, sans aucun doute. Maintenant, le sens général du hadith, المعنى الإجمالي للحديث, يتضمن هذا الحديث خمسة أمور من آمن بها وعمل بها تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة. Donc on a dit, يتضمن هذا الحديث خمسة أمور من آمن بها وعمل بما تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة. C'est-à-dire, ce hadith comprend cinq choses. Celui qui croit et œuvre dans le sens de ces cinq choses, extérieurement comme intérieurement, rentrera au paradis. Alors la première, il dit, أولها قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني آمن بالله عن صدق ويقين معترفا بالوحدانية لله تعالى وتجرد عن عبادة غيره وعمل بما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه قولا وعملا. Donc la première, les cinq choses importantes. Ça implique quoi? Si on veut rentrer au paradis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il suffit d'apprendre ces cinq choses et de les mettre en application de manière intérieure, d'y croire de manière ferme sur certaines et de les mettre en application. Donc ça demande une attention de notre part. Hein. La première, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, seul sans rien lui associer, c'est-à-dire a cru en Allah de manière véridique et avec certitude, en reconnaissant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, et délaissé complètement l'adoration d'autre que lui. Ça c'est important, il faut croire en Allah et détester et délaisser toute adoration d'autre que lui. Et appliquer ce que comporte cette attestation, comme suivi des ordres d'Allah. Et délaissement de ses interdits, en parole et en action. Hein? Alors ici j'ai une petite question, et je veux juste une réponse générale. Qui sait me dire quel est le plus grave? Est-ce que c'est le fait de délaisser un ordre ou de faire un interdit? Tu dis faire un interdit? Qu'est-ce que tu dis toi? Délaisser l'origine, c'est un ordre. Ok, c'est délaisser un ordre. C'est le plus grave. Pour ceux qui veulent plus de détails, revenez à Al-Fawaid Ibn Al-Qayyim, il rapporte de 23 manières. 23. Pourquoi un ordre, c'est plus grave quand on délaisse que de faire un interdit? Hein? Et il donne comme exemple, un exemple que on va se limiter à ça, Inch'Allah. Ça me vient, je le dis parce que ça me vient en tête et c'est important de connaître ce genre de notion-là. Pourquoi un ordre? Qu'est-ce que Shaitan a fait? Qu'est-ce que Satan a fait? Il n'a pas délaissé un ordre. Hein? Allah l'a ordonné de se prosterner pour Adam, mais il ne l'a pas fait. Hein? C'est une des raisons que Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dans le Kitab al-Fawaid rapporte que le fait de délaisser un ordre est plus grave que de faire un interdit. Ça ne veut pas dire que le fait de faire un interdit, ce n'est pas grave, hein? Mais le fait de délaisser un ordre, c'est plus grave. Donc ici, on a dit de suivi des ordres d'Allah et délaissement de ses interdits en parole et en action. Donc les deux, en parole et en action. Alors deuxième chose ici qui est rapportée dans le hadith, ثانيها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من اعتقد اعتقادا جازما لا يقبل الشك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس برسالة شاملة كاملة وأنه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات وآمن بأنه عبد من عباد الله شرفه الله بحمل رسالته إلى العالم فصدقه فيما أخبر به وطاعه فيما أمر به وابتعد عما نهى عنه وزجر. Reviens qu'on a été en premier hadith d'ailleurs. Hein? Il dit la deuxième chose ici, c'est l'attestation que Muhammad صلى الله عليه وسلم est le messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Une obligation de faire la salat sur le prophète, c'est ce qu'on entend son nom. C'est-à-dire, celui qui croit fermement sans aucun doute que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. qu'il a envoyé aux deux mondes, ce qu'on appelle As-Saqalayn. Quels sont les As-Saqalayn? Cheikh l'explique ici. Al-Jin ou Al-Ins, hein? Les hommes et les djinns, avec un message général, complet, et qu'il est le sceau des prophètes. Le sceau, quand je dis le sceau, c'est S-C-E-A-U, du verbe scellé, hein? Le sceau des prophètes, et que son messager est le sceau des messages. Donc, c'est-à-dire, hein, ce qui scelle, hein? Qu'un malade du cœur ne comprenne pas autre chose, hein? C'est pour ça que je l'appelle, hein? S-C-E-A-U. Des messages, et croit qu'il est l'un des serviteurs d'Allah, que Allah a honoré en lui faisant porter un message au monde. Et aura rendu véridique ce en quoi il a informé. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ta'atuhu, tasdiquhu fima akhbar. On rend véridique en ce qu'il a informé. Hein? Pourquoi? Parce qu'il informe de Rabbil Alamin. D'ailleurs, c'est une des deux qira'at dans le Coran. Dans le Coran, on lit al-Nabi ou al-Nabi. On lit al-Nabi ou al-Nabi. Al-Nabi avec l'Hamza, al-Nabi avec l'Ya. Qira'at warsh, on lit al-Nabi'una, al-Nabi'ina avec l'Hamza. Et Cheikh Al-Athaymin, je suis spécialiste de Cheikh Al-Athaymin, rahmatullah alayh, il rentre moi dans les détails, rahmatullah alayh, il dit la différence dans sa Kitab Tawhid entre le Nabi et le Nabi. Il dit que le Nabi, ça vient de Naba, l'information, parce que Allah, Rasulullah, il khbirun anillah. Voilà ce qu'on vient de dire ici. Il informe d'Allah. Et le Nabi avec l'Ya, ça vient de Nabwa. C'est l'élévation, parce qu'Allah l'a élevé. Et Allah, le prophète, il informe et il est élevé. Allah, il est élevé par rapport aux autres gens. Donc regardez, les deux qira'at, elles ne sont pas contradictoires, au contraire, elles se complètent l'une l'autre. Regardez l'importance de la langue arabe. Hein? Donc ici, on le rend véridique dans ce qu'il a informé. Pourquoi? Parce qu'il informe. J'ai rapporté ça, pourquoi? Tout ça pour dire qu'il informe d'Allah, c'est yukhbiruna anillah. Hein? Donc, et il y aura obéi dans ce qu'il a ordonné et se sera éloigné de ce qu'il a interdit. Troisième chose, j'espère qu'on aura le temps de terminer aujourd'hui, inshallah. L'i'tiqad bi'an Isa alayhi salam 'abd min 'ibadillah wa rasul min rusulihi alayhi salatu wassalam. Wa annahu laysa ibn safah kama yaz'um al-yahud wa laysa huwa Allah wa la ibn Allah wa la thalith thalatha kama yaz'um an-nasara. Bal huwa 'abd min 'ibadillah. أرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقد خلق الله عيسى بكلمة كن الدالة على التكوين وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سورة آل عمران. Donc ici, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit dans le troisième point? La croyance que Jésus, عليه السلام, عيسى, est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah et un envoyé parmi ses envoyés. Et qu'il n'est pas le fils, ouli'adou billah, de la fornication comme le prétendent les juifs, ouli'adou billah. Et qu'il n'est pas Allah. Et qu'il n'est pas non plus le fils d'Allah. Et qu'il n'est pas non plus le troisième des trois, comme le prétendent les chrétiens. Mais qu'il est le serviteur, regardez, subhanallah, ouli'adou billah. Comment les gens arrivent à décrire Isa, alayhi salam, regardez tous les attributs qu'il lui donne. A'udhu billah, fils de la fornication, comme prétendent les juifs, qu'il est Allah, qu'il est fils d'Allah, qu'il est trois des trois. Oui, a'udhu billah. Regardez le dalal. Allahu akbar. C'est terminé, Inch'Allah, il reste quelques minutes, il reste une demi-page. mais qu'il est le serviteur transcorrect par rapport à Isa alayhi salam, parmi les serviteurs d'Allah, que Allah a envoyé aux fils d'Israël, Ben Israël, pour les appeler à adorer Allah exclusivement, uniquement. Et Allah a créé Isa, Jésus, d'une parole soi, kun, qui indique le fait de donner existence, comme dit Cheikh ici, Addala al-Tekwin, et qu'il est un esprit parmi les esprits qu'Allah a créé. L'exemple de Isa, donc traduction approximative du verset de Surat al-Imran, verset 59. L'exemple de Isa est comme celui d'Adam, qu'il créa de terre, puis il dit soit, et il fut. Quatrième point, Rabi'uha, an al-Jannata haqq. Ay, wa'taqada an al-Jannata allati a'addaha Allah lit-ta'i'in min 'ibadihi, thabitatun mawjudatun wa haqiqah, la raiba fiha wa annaha al-maqar al-akhir, al-khali lil-mu'minin, bihi wa al-muttabi'in li-rusulih. Quatrième point, parmi les cinq points que si on veut rentrer au paradis, on doit connaître et mettre en application, c'est que le paradis est une vérité. C'est-à-dire qu'on aurait cru que le paradis qu'Allah a préparé aux obéissants parmi ses serviteurs existe réellement. Sans aucun doute, et qu'elle est la dernière demeure éternelle des croyants en Allah, subhanahu wa ta'ala, et des suiveurs de ses messagers, alayhi wa sallallahu salam. Cinquième point et dernier, khamisuha an-nar haqq, ay, واعتقد أن النار التي توعد الله بها الكافرين والمنافقين حقيقة ثابتة لا ريب فيها أعدها الله لمن كفر به وجحده وعصاه. Donc Cheikh ici dit, هذه الأمور الخمسة من صدق وآمن بها وعمل بما تقتديه أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب وذلك بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وحده. Donc ici, le Cheikh dit, la cinquième chose à retenir, c'est que l'enfer est une vérité, c'est-à-dire qu'on a cru que l'enfer avec lequel Allah a menacé les mécréants et les hypocrites existe réellement sans aucun doute. Et qu'Allah l'a préparé pour celui qui a mécru en lui et l'a renié et lui a désobéi. Donc ces cinq choses, celui qui y croit, et les rend véridiques et pratique ce qu'elles impliquent, Allah le fera entrer au paradis, même s'il est fautif et a commis des péchés. Et ce, en raison de son tawhid, de son unicité. Donc regardez l'importance du tawhid. Et de sa sincérité dans son adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vite pour terminer, ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer du hadith comme fawa'id? Al-fa'idatu l'oula, yustafadu minhu fadilatu tawhidillah. Wa anna Allah yukaffiru bihi dhunub. Ce que l'on peut tirer du hadith comme enseignement, le premier, les mérites de l'unicité d'Allah, al-tawhid. Et qu'Allah expie les péchés par ce tawhid. فائدة الثانية سعة فضل الله ورحمته بعباده. L'ampleur de la générosité d'Allah et sa miséricorde envers ses serviteurs. الثالثة يستفاد من قوله في محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله معرفة ما للأنبياء من الحق وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. C'est-à-dire que on tire de sa parole Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et messager, la connaissance des droits des prophètes, alayhi wa sallam, et plus spécifiquement Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération ni laxisme. Donc sans exagération ni laxisme. Ça c'est important. Al-Rabi'ah, quatrième point. Anna al-Usat min al-Muhidin la yukhalladuna fil nar. C'est-à-dire que les désobéissants, c'est-à-dire ceux qui ont commis des péchés, parmi les gens du Tawhid, ne seront pas éternellement en enfer. Cinquième et dernière, on termine là-dessus. Wujubu al-iman bil jannati wal nar. L'obligation de croire en l'enfer et au paradis. On termine là-dessus, inshallah, et on laisse l'opportunité aux frères qui veulent prier les deux rak'at la sunnah entre l'adhan et l'iqama, de faire les ablutions et prendre les premiers, les places dans les premiers rangs pour la prière. Wa subhanakallahumma hamdik shabbal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous remercie pour la confiance d'être venu dans votre entretemps. Hayakoum Allah.